Ce matin, nous allons nous arrêter et commencer à étudier un autre texte de l'Apocalypse qui nous amène à évaluer la dernière église, qui est l'église de Laodicée. Quelle émotion ou sentiment ressentez-vous dans votre cœur quand une personne vous fait passer en deuxième place? Après le travail, après un sport, après son église, après ses enfants, il vous fait passer en deuxième. Vous êtes moins important que quelque chose d'autre. Ou moins importante que quelque chose d'autre. Vous allez probablement vous sentir rejeté, humilié, dévalorisé. Et nous allons voir ce matin que si nous, on n'accepte pas de passer en deuxième, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ne le désire certainement pas. Notre Dieu veut pas la deuxième place, pas la première place, il veut toute la place. Dieu n'acceptera jamais la compétition. Dieu n'acceptera jamais qu'on vienne en deuxième, ou qu'on le mette en deuxième, ou qu'il y ait quelque chose d'autre dans notre vie. Nous lui avons donné toute notre vie. Prends ma vie, Seigneur. On n'a pas dit prends ma vie en partie ou prends ma vie quand j'ai pas d'autre chose à faire, prends ma vie quand ça va mal, prends ma vie quand j'ai plus d'argent. Non, prends ma vie et il l'a pris. Et s'il l'a pris, il l'a tout pris. Nous allons voir une église qui avait mis Dieu, je crois, en deuxième place. Même pas la première. On voit ça avec l'histoire de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, on ne sait pas s'ils sont chrétiens, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu des problèmes avec le côté monétaire dans leur vie. Ils avaient vendu un terrain, 1 000 $, ils en ont pris 500, ils l'ont amené à l'apôtre Pierre, puis ils l'ont donné. Il dit, voici, on a vendu un champ pour la somme de 500 $. Et l'apôtre Pierre ne pouvait pas le savoir, mais l'Esprit de Dieu le poussait à comprendre, le fait voir le fond de leur cœur. Il dit, pourquoi est-ce que tu mens à Dieu? Le terrain t'appartenait avant. Tout l'argent était à toi. Si tu voulais en donner juste 500, tu avais le beau privilège de donner juste 500. Pourquoi est-ce que tu fait cela. On a Simon le magicien à un moment donné aussi, qui lui, il veut prendre la religion et en faire un moyen de faire l'argent. Et l'apôtre Pierre, il dit, je ne sais pas si c'est possible que Dieu te pardonne. Et quand vous étudiez les épîtres du Nouveau Testament, une chose est certaine, chaque fois qu'on parle des faux prophètes, on parle toujours d'argent. Toujours. 2 Pierre 2:3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Titre 1:11, auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que on ne doit pas enseigner. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. 2 Pierre 2:14. chaque fois, il y a plusieurs autres textes qu'on pourrait lire, mais chaque fois, il y a toujours un lien entre l'argent et les faux prophètes. Et remarquez bien, si vous avez un jour le privilège d'étudier l'histoire de l'Église, les églises commencent toujours dans la classe basse ou pauvre de la société. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu parmi les pauvres. Et Jésus s'est tenu en général avec des gens qui étaient pauvres. Pas juste des pauvres, mais souvent des gens qui étaient pauvres. Et quand beaucoup de gens viennent au Seigneur, leurs enfants sont en meilleure position, et leurs petits-enfants sont encore en meilleure position, et habituellement, la quatrième, cinquième génération, l'Église est riche, et elle meurt. C'est pas que Dieu est contre l'argent. Ben non. C'est que l'homme, à un moment donné, préfère l'argent à Dieu. Vous savez comme moi que la Bible nous parle de deux dieux dans ce monde. Mammon et Dieu. Tu ne peux pas avoir les deux. Soit tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. Dit Saint Jésus dans Matthieu 6. Choisis, Dieu ou Mammon. Nous avons une église ici qui a certainement commencé avec la vérité par les apôtres qui ont commencé cette église de la Laodicée. Et à peu près peut-être 40 ans, 60 ans après, 50 ans après qu'elle ait commencé, l'Église a déjà des problèmes avec le côté financier. Nous allons lire le texte ensemble, si vous voulez bien. Et nous allons pouvoir voir ce que Jésus reproche à cette Église de Laodicée. Lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froide ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus va vomir de sa bouche ceux qui sont tièdes. Pourquoi va-t-il faire cela? Pourquoi va-t-il faire cela? Première raison. Parce que Jésus n'est pas un tiède. Jésus se présente dans le verset 14 comme l'Amen, le fidèle. Le véritable. On pourrait traduire ici le mot Amen par je suis la vérité et rien que la vérité et je suis le témoin vérité ou véritable. Donc, il répète à deux ou trois reprises ici, il veut mettre bien en emphase, je suis moi la vérité. Je ne joue pas, je n'ai pas un pied dans la lumière puis un pied dans les ténèbres. Je suis vrai. Et Jésus sait discerner les tièdes, parce que lui n'est pas tiède. Hein. On peut tromper, vous savez, bien des gens. On peut tromper nos épouses, nos conjoints, nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants. On peut tromper des pasteurs, on peut tromper bien du monde. Mais on ne peut pas tromper la vérité. N'est-ce pas? On ne peut pas tromper la vérité. On est tellement des bons menteurs qu'on finit par se croire, bien des fois. Il y a des milliards de personnes sur la Terre qui se croient bonnes. Je ne suis pas une mauvaise personne, moi. Je n'ai pas de mal à personne. Les autres là-bas sont mauvais. Ils se croient. Mais on ne peut pas conquérir de mentir à Dieu, au Seigneur Jésus. Il se présente aussi comme le chef de la création, le commencement de toute chose. Donc, on ne peut pas juste penser qu'on peut tromper celui qui a créé toute chose. Et c'est moi qui ai le principe. D'autres traduisent commencement. D'autres traduisent celui qui a créé toute chose. Ça pourrait être traduit comme étant le premier-né de toute chose. Non pas qu'il a été créé le premier-né, le premier, mais le mot premier-né était utilisé à bien des reprises pour démontrer celui qui avait le droit sur la famille, celui qui était le chef de la famille. Donc, Jésus dit, je suis le véritable et je suis le premier, le principe de toute chose. Il dit, moi je connais toute chose. Je sais toute chose. J'ai créé toute chose. Je t'ai faite, je sais comment t'es faite. C'est moi qui gère toute chose. Tu ne peux pas me tromper. C'est un mot premier-né, ici, il faut faire attention. S'il y a des gens qui viennent chez vous et qui vous disent que Jésus est le premier-né de la création, donc il a été créé, c'est pas ça que ça veut dire. Dans Israël, dans Exode 4, verset 22, Israël est appelé le premier-né. Israël n'était pas le premier-né. C'est Isaïe qui était le premier-né. David est appelé le premier-né. Et David n'était pas le premier-né. Il y avait plusieurs frères devant lui. Éphraïm n'était pas le premier-né de la famille. Mais pourtant, il est appelé le premier-né. Les croyants sont appelés les premiers-nés. Et on n'est pas tous des premiers-nés. Le premier-né, c'est ceux qui ont le droit, ceux qui dirigent, ceux qui sont les leaders spirituels dans leur foyer. C'est les premiers-nés, ceux qui ont le titre, on pourrait dire chef. Donc Jésus dit, moi je ne suis pas un tiède. Donc, faut pas que tu penses que moi je vais accepter les tièdes. Deuxièmement, Jésus réagit très mal à ce qui est tiède. Il préfère les froids et les bouillants. Moi je crois que les froids, ça peut-être les non-croyants. Et les bouillants, ça peut être les croyants. Mais je n'en ferai pas un cheval de bataille, je n'en ferai pas une vérité de la Bible ici. Ce n'est pas toujours évident. Mais il dit, je préfère les froids et les bouillants. Et les froids et les bouillants, il ne les vomit pas. Donc, c'est-tu des croyants toutes les deux? Peut-être, parce qu'il ne vomit pas. Mais il dit qu'il va vomir ceux qui sont tièdes. Le mot vomir ici, ce n'est pas qu'il va les mettre dans une place moins belle au ciel. Quand il dit qu'il vomit ces gens-là, c'est qu'il les rejette. Ils ne sont pas sauvés, ils sont condamnés. C'est des gens qui ne seront pas avec lui pour l'éternité. vomir quelque chose, c'est que quand tu vomis quelque chose, tu rejettes quelque chose hors de toi. Donc ils ne sont pas avec Dieu, ils ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont rejetés. Qui sont-ils, ces vomis-là? Qui sont-ils? Je crois que ce sont les religieux, les gens d'église, qui font des choses d'église, mais qui ne sont pas en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de plus important dans leur vie. Quelque chose qui prend la place. Et ici, c'est des gens qui ont, dont Jésus dit, au verset 15 à 18, « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu es un homme, peut-être, ou une femme d'église. Ça fait beaucoup d'activités religieuses, mais il y a quelque chose dans ta vie qui est plus important que moi. C'est les richesses de ce monde, les choses de ce monde. Combien de gens, mes frères et sœurs, et combien de mouvements religieux, leur Dieu sert à une chose, à les servir. Leur Dieu est là pour leur donner la prospérité, pour que leurs vaches bêlent, puis pour que leurs semences poussent, puis pour que leur santé soit bonne, puis pour qu'il n'y ait pas d'accident, puis que ce Dieu-là les protège des mauvais esprits, puis ce Dieu-là est à leur service. Écoutez-les, écoutez leurs prières. Ils sont pas au service de Dieu, mais Dieu leur sert à faire leur vie. Oh God bless America! En d'autres termes, on n'entend pas parler. Bless America, bless God. Il m'a donné ici. Bless God, il m'a donné ça. Bless God, il m'a protégé là. Bless God, il m'a. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, pour Dieu? La parabole du semeur nous parle de ça. Il y a des gens qui vont recevoir la parole avec joie, avec empressement, et elles vont le pousser. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elle pousse, mais à travers les mauvaises herbes. Hein.